très bien. Moi, dans toi, tu jouis quand même. On sexe bouillonne au fond de toi. Je sens presque ton estomac. Et je jouis, chérie, la vie a un sens. Et je te remets un peu d'essence. Nous, on fait la chose qu'elle a toute, chérie. Tu sais, je suis une poutre. On sait. Et je te remets un peu d'essence.